Et puis, il y a un mois de ça environ, je me suis fait violer. Violer par lui ou par un autre? Non, par un autre. Par un autre? Je rentrais chez une copine le soir très tard et puis je me suis violée. Et puis, depuis là, j'arrive plus à faire l'amour avec mon copain. Ouais. Et j'ai comme l'impression que j'ai préféré être violée que... Ah. Ah. Voilà. Et tu t'es laissé faire dans le viol ou tu t'es débattue? Je me suis débattue parce que j'étais choquée, bien sûr. Au départ, j'étais... Tu as été surprise. Plus que surprise, quand même. Ouais. Mais quand t'as vu la bite, quand même, tu te dis, oui, il va pas me voler mon sac. Il va pas me voler mon sac. Non, faut dire que j'ai pas pensé à ça. Hein. C'est pas pour les sous, c'est pour le minot. Voilà. Et donc, toi, après, quand t'as vu la bite, tu t'es laissé faire, tu t'es moins débattu. Non, je l'ai pas vu, puisqu'il faisait tellement noir, c'était très tard. Oui. Donc, j'ai pas eu le temps de voir quelque chose. C'était où? Tu vas dans les champs? Non, je suis dans le 16e. Bah, il fait pas noir dans le 16e. Oui, mais en sort du dans soir, un parking, peut-être? Non, pas tout à fait. Là, ah. Et alors, donc, le mec t'a suivi et tout, il t'a sauté dessus? Non, disons qu'il m'a pas sauté dessus, il m'a accosté, bien sûr. Ouais. Bon, moi, je savais pas comment m'en débarrasser. Comment t'y prendre? Voilà. Mmh. Moi, j'avais un peu peur, je ne savais pas la réaction que je devais prendre. Et comment il t'a fait? Qu'est-ce qu'il t'a dit? Qu'est-ce qu'il m'a même pas rien dit. Il m'a dit, comment vous appelez, vous êtes charmante, bon, le baratin habituel. Ouais. Oh, quand tu m'as violé, il m'a pas dit ça. Hein. Ça s'est passé comment, toi? Ah, c'était beaucoup plus brutal que ça. Hein. C'est au foyer de la Sonacotra. Et j'avais très... Elle était venue pour voir son petit cousin, et puis ils ont fermé les portes derrière elle, lui ont donné 20 francs chacun, et on va te baiser. On va te viser maintenant. Non, mais le problème, c'est que je peux pas rendre la monnaie. Hein. Ouais, c'est ça. Non, sérieux, hein, ça me tracasse super. Raconte la pute qui a fait 5 000 francs 50. Ah bah, c'est la pute qui a fait... qui va voir son mal, qui lui donne la... Donne-moi ton blé, 302 francs 50. Et il donne FM, mais quel enculé qui t'a filé 2 francs 50, même dit tous. Voilà, et si vous avez envie de faire le tapin, vous faites 36-15, vous tapez macro. Vous trouverez le mec qui vous trouvera une place. Et si les macros ils cherchent des timbres, vous faites 36-15 et vous tapez pute. Et vous trouverez, il y en a plein qui veulent travailler. Il y en a beaucoup. Voilà. Non, mais bon, un viol c'est assez traumatisant logiquement. Un viol consentant c'est déjà moins grave. C'était pas consentant. C'est pas un viol consentant. C'est semi-consentant. Ah non, c'est pas consentant. C'était... Non, c'est pas du tout consentant. J'ai mal compris ton problème. Tu dis oui, bon, bah maintenant, au fond, je recherche ça. Non, je sais pas exactement mon problème où il est, parce que. Bon, maintenant, là. Après coup, c'était bon. Voilà. Hein? Ah. Voilà. Après coup, c'est... Oui, mais là, attention, il ne faudrait pas que ce soit un encouragement au mec pour violer les gonzesses. Hein. Faut pas rigoler avec ça, je veux dire. Il faut être très, très net. On aime bien rigoler à l'une de fiel, mais il y a quand même certaines mesures. Je trouve que le consentement, c'est la chose la plus belle au monde, quand même, non? Oui, ça, oui. Vous... Oh, oui, enfin, je parle pour mon cas personnel, mais... Ouais. Même quand ils sont pas consentants... Parce que le tien, toi, t'aurais bien aimé que... Même quand ils sont pas consentants, vous leur demandez pas leur avis. Oui, mais il y a eu une demande, Ouais, hein, un petit une 50, demande, un 50, un 50, un 50. Un petit 50, un petit 50. Non, mais... Maintenant, il faut que... Oui, vas-y. Oui. Non, mais maintenant, il faudrait que je trouve une solution, parce qu'avec mon copain, je l'aime quand même. Oui. Et j'arrive plus à faire l'amour avec lui. Il y a bloqué. Et si, par exemple, il faisait des plans viol? Voilà, il faut reconstituer la chose. Bah, tu lui en as pas parlé? Bah, j'ai pas osé, non. Faudrait que tu lui en parles. C'est la base du freudisme, faut recommencer à... C'est la cataraxie, ouais. Mais il faudrait que tu lui en parles d'abord, je pense que ce serait et la Et si lui te chose. Faisait des plans viol, est-ce que ça t'exciterait? Ou c'est plutôt un inconnu qui t'excite? Je sais pas, comment, j'ai pas encore essayé. Il faudrait que... Ça se représente. Mais comment je peux lui dire? Je peux pas lui dire ça comme ça. Ouais, mais et si ça se représentait par exemple demain? Parce que lui ne connaît pas cette anecdote de ton joli petit passé. Non. Il faudrait que tu lui dises, je pense. Je crois que ce serait une chose. En amour, il faut s'avouer de certaines choses au bout de 2 ans en plus. Tu sais, lui dire, chérie, j'ai été lévio. Et ce qui explique certaines. Oui, il faudrait que tu lui. Il faut absolument que tu l'entendes. Je pense que tu. C'est... Écoute, le conseil de Pascal, qui est une femme à 180%. Oui, parce que moi, je suis femme à 120 seulement. D'accord, ok. La première et puis, il y a 80% de matière grasse quand même. La première chose, je pense, c'est que tu lui en parles. Ça fait 2 ans que tu es avec lui, donc vous devez quand même avoir des rapports de confiance. Il faut absolument que tu lui en parles parce que sinon, il va très très mal interpréter tout refus de ta part. La seconde chose, c'est. Un viol, c'est toujours très trouble. Donc c'est normal que dans ta tête, tu sois d'abord choqué, tu étais choqué, c'est tout à fait normal, et que tu sois troublé ensuite. Ça veut, à mon avis, d'abord, ça ne veut pas forcément dire que tu as apprécié ça, simplement, d'après les études qui ont été menées. Ensuite, on se persuade qu'on a apprécié ça pour pas justement pour, tu vois, pour empêcher les blocages psychologiques, on se persuade qu'on a apprécié ça. Sinon, c'est dur à assumer, c'est trop dur à assumer. Ouais. Donc, c'est peut-être ce processus que tu es en train de vivre, ce qui ne veut pas dire forcément que tu as aimé ça et que tu aimeras ça si ça se reproduit. Donc, d'abord, il faut faire très très attention à ça. Et ensuite, je pense qu'en d'abord, en parlant avec ton copain, ça sera le meilleur moyen de débloquer la situation. Et ensuite, que tu sois beaucoup plus clair dans ta tête pour savoir ce qui s'est exactement passé, pour que tu t'avoues que c'est quelque chose qui t'a choqué. Et que ensuite, plus en même temps, et pourquoi et plus ça en t'a même plu. Temps, et il ne faut pas que tu culpabilises en te disant c'est dégueulasse que ça m'ait plu, parce que bon, c'est oui. des choses qu'il faut que tu règles avec toi-même, des problèmes dans ta tête, et avec ton copain. Quelque part dans ta sexualité, la peur est peut-être un élément déterminant qui te fait venir à la jouissance, plus que la caresse, que les tendresses. Non ? Oui. Tu es une fille à sensations. La peur est une. Ouais. Les sensations, elles vont de tout, hein. Elles vont de l'angoisse, la peur, le. Oui, alors je vais vous dire, vous avez, bon, le problème de le viol, et ça, le problème de le viol, il faut demander votre copain de faire la séance de viol. Vous allez arriver dans l'appartement, et vous demandez avant à votre copain de mettre masque, et de habiller avec une grosse bite, et mettre une grande gabardine, et tout nu dessous, et vous rentrez dans l'appartement, vous dites bonjour, je viens pour porter les courriers, je viens pour relever le gaz, faire les gaz, et puis vous faites, je viens pour lécher le gaz, et puis vous faites avec votre ami la séance de le viol, et votre ami va faire les viols si ça lui plaît beaucoup, et si vous voulez les garder, évitez de vous faire violer, parce que des fois peut-être gros rasoir dans le cou, ou coupage en tronche de vos seins. Alors non, il faut faire dans la rue, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup, beaucoup trop dangereux. Donc faire avec votre ami la gabardine, tout ça, la grosse bite, et faire bien le travail. D'accord, vous faites. Ah ben voilà, c'était le docteur Ruth. Non, mais David a raison, c'est une des solutions à ton problème, ce serait de revivre ça, donc pour essayer d'exorciser. Bien sûr, moi je crois que c'est ça. Oui, mais revivre ça... Le docteur Ruth avait entièrement raison, le plan de la gabardine et tout dans le noir, il déchire ta culotte et tout. Mais non, mais le problème, c'est que je suis une fille très timide. Bah et alors mais il faut que oui, mais c'est pas facile. Mais il faut que tu lui en parles. Ouais. Mais il y a autre chose, c'est que, bon, c'est... T'as autre chose ? Oui, c'est que c'est, bon, c'est d'origine arabe. Hein. Oui. Et c'est très spécial avec ce genre de personne, quand même. Bon, c'est un arabe et très... je sais pas comment il réagirait, quoi. Si, Ah, lui, c'est un beurre ? Voilà. Ah oui, là, il va te dérouiller, hein. Tu es là pour lui non, faire... Non, il est intelligent, non, il est surtout complice de toi. Alors non, si... non, il pourrait faire le jeu et tout, mais alors bon, il faut pas... Voilà, c'est ça, en fait. C'est pour ça que j'ai peur. Et j'ai peur qu'ils me disent t'avais pas traîné là et puis Ah j'ai une copine qui dit que tu connais tu te fais que des beurres tiens viens ici viens là ma reine viens là ma poupée viens expliquer à notre copine viens là approche-toi mange bien là pour la rassurer en tout cas non moi j'ai des amis mais je pense pas pas dans le micro chérie je pense pas qu'ils puissent te taper mais non pas me taper mais disons dire tire-toi Non, il tient trop à toi. Parce que malgré tout, ils sont durs, mais ils ont un peu... Voilà, c'est très très dur. C'est ta faute si tu t'es fait violer. Bon, est-ce que les beurs, ils sucent, la chatte Non. Ah bah si, dans ces quelque chose, hein. Tu en as déjà fait plusieurs. Non, j'en connais, mais ça veut pas dire que tu fais si sucent. Ah mais tu as pas fait l'amour avec Non. Tu es très jolie, tu as de beaux seins, tu as l'air de... Il a rien vu, mais c'est pas mais non, mais je vois quand même le... Le plongeon. Ah voilà. Ah bah quand même, hein. Ah l'autre, arrête Non mais tu le connais, ça fait 2 ans que tu es avec lui quand même. Oui mais c'est pas les mêmes relations que j'avais eues avec des Européens. C'est pas la même chose, c'est un arabe et les arabes sont assez compliqués. Mais ça dépend lesquels, il faut pas généraliser. Enfin tu sais, oui, ben voilà, tout à fait, il faut pas généraliser, ça dépend des gens, c'est comme les Européens, ça dépend des Européens, il y en a qui sont cons et d'autres qui sont pas cons, et ben c'est pareil partout. Non mais tu le connais, tu sais très bien comment il va le prendre de toute manière. Oh voilà. Ouais. Bon. Mais en fait, ce qu'il faut dire quand même, moi je tiens à rappeler que les mecs qui écoutent ne se disent pas que les nanas qui sont violées, en fait, c'est des salopes qui sont consentantes, c'est pas vrai. Ouais. Non, elles sont pas consentantes. Et il y en a que ça pourrait traumatiser toute leur vie. Oui, alors absolument. C'est très grave quand même. Oui, voilà, c'est très grave. On plaisante, mais quand même. Hein. Non, on rigole, mais il faut pas que ça soit une incitation à la débauche. Hein, n'est-ce pas? Ouais, ok. Tu diras pardon, je ne recommencerai plus. Pardon, trois fois. Je ne recommencerai plus. Pardon, je ne recommencerai plus. Et je te sucerai la bite la prochaine fois. Et je te sucerai la bite la prochaine fois. Bon, très bien. Tu viens demain. D'accord, demain. Bon. Bon. Je vous embrasse tous. Hein. Salut ma poupée en dessous dans la chatte et surtout, hein, si je on arrive, hein, tu mets ça de côté. D'accord. Ok. Ok. Ah ben bah, ça y est. Hein. Ah oui, ah, le temps est écoulé. Le temps est écoulé. Ne se rattrape plus. Voilà. Alors, les badges, on a dit. Ah là, oui, maintenant. Alors oui, les réseaux Minitel aussi. Les réseaux Minitel, on a beaucoup de courriers. Alors, j'ai vu que sur TPM, il y avait. Ah oui, mais je voudrais savoir. Un tas d'organisation de partout. Mais alors. Il faut faire 36-15 TPM. Parce que c'est tout nouveau. Ça fait 15 jours que c'est ouvert. Et c'est pour qui TBM? C'est pour Attends, les garçons. Beaucoup d'appels pour dire que les beurs aiment sucer. Ah ben voilà. Ah ben comme ça. Scoop à la une. Voilà, on a eu beaucoup d'appels de beurs. On vient de m'apporter ça au standard pour dire que les beurs aiment sucer. Alors mesdemoiselles, les beurs aiment sucer. C'est les petits beurs, on les suce. Mais tout le monde aime sucer. Voilà. Tout le monde aime sucer. Ah non, il y en a qui n'aiment pas sucer. Non mais, pas parce qu'il y en a beaucoup qui disent, les beurs, ils aiment que tirer. Mais c'est idiot, c'est comme dire. Tu t'es fait des beurs déjà? Ouais. C'est comme... Non, pas beaucoup, mais ça s'est toujours bien passé. Bah, oui. La chatte. C'est comme dire les Anglais sont tous roux. C'est idiot. Oui, voilà. C'est aussi idiot. Non, mais, bon, il y a quand même beaucoup de beurre qu'on a appelé. Je laisse quand même le message. Donc, voilà. Alors, oui, donc je suis rentré sur TBM. Et alors, un nombre d'organisations de partout avec des inscrits, des hétéros, un tel bord. C'est plutôt gay, mais il y a des partout hétéros avec des femmes dessus. Alors, il y a des recherches de grosses bites. Pour ceux qui ont des grosses bites, il faut absolument rentrer là-bas, laisser votre boîte aux lettres, pas vos coordonnées, mais une boîte aux lettres. Vous ouvrez une boîte aux lettres, vous mettez votre âge et tout ça. Et il y a ceux aussi qui recherchent, qui aiment que les grosses bites. Il doit y en avoir plus. Alors là, vous avez un nombre de grosses bites sur plusieurs c'est pages, la mère, c'est la les âges mère. Et tout ça, les trucs. Il y a aussi un jeu qui s'appelle le Susbite. Oui, oui, oui. Alors c'est un quiz avec plein de questions et tout. Alors mieux tu réponds aux questions, plus tu avances et plus tu arrives vers la bouche pour te faire sucer. Ou pour sucer. Non, pour sucer, ouais. Pour sucer. Pour sucer. Et voilà, alors ça c'est 3615 TBM. Thérèse, Monique. Mais non, non. Brigitte. Thérèse, Brigitte. Bernard. Thérèse, Bernard et Monique. Voilà, TBM. 3615, bien sûr. Voilà, maintenant, si vous aimez que la messagerie, si vous aimez draguer vite fait comme ça, c'est 3615 gay si vous êtes gay et 3615 Lio si vous êtes hétéro. Voilà, nous avons un auditeur en ligne. Allô? Allô? Allô? Allô? Allô? Allô? Oh là là. Allô? Salut? Allô? Allô? Bon, suivant. Là, il avait du mal quand même à parler. C'était quoi, Christophe? Bon, alors nous avons un autre auditeur en ligne. Alors, on l'a, celui-là? Allô? Allô? Allô? Oui. Quel est ton prénom? Christophe. Ouais. Christophe, ok. Tu as alors, quel âge as-tu? 28 ans. 28 ouais. ans. Alors, qu'est-ce qui t'arrive? Je n'arrive pas grand-chose, façon de parler, quoi. Ouais. Je suis atteint du sida depuis... Depuis pratiquement 5 ans, 4 ans et demi, quoi. Ouais. Et tu es positif ou... Non, je suis sous traitement. D'accord. Sous traitement, enfin, disons que je suis arqué, ça dit je suis sous... le médicament vous intéresse pas, peut-être. Si, quoi. Si, si. À la ZT. Non, pas à la ZT, non. Non. Ah bon. Non. À et, quoi hein? À quoi? Mais non, mais dire pour la clientèle. Tu m'as mis une cigarette, ce n'est pas grave. Il faut pas fumer, mon garçon. Ah pardon? Oui, alors vas-y, continue. Non, je suis sous traitement. Oui. Et disons que j'ai des relations très difficiles avec les femmes, quoi. Oui. C'est-à-dire, bon, je n'ai pas le problème de pouvoir trouver des femmes, disons, quoi. Mmh. Enfin, trouver façon de parler, entre guillemets, parce que c'est pas un bon terme pour une femme. Mais, oui. Rencontrer des camarades. Oui, rencontrer des camarades, voilà. Et le plus gros problème, c'est je ne peux pas arriver à l'acte dans le sens où j'ai une moralité, quoi. Bien sûr. C'est-à-dire, même avec préservatif, c'est très dur pour moi, quoi. Et je n'arrive pas à en parler. Comme ouais. Bon, si c'est une femme de passage, c'est très dur, et, évidemment, quoi. Oui. Hein, et bon, j'ai peur qu'il arrive le pire, quoi, parce que je fais de mal à personne. Finalement, je ne sais pas Tu l'as attrapé sexuellement ou en droguant? Non, je pense sexuellement, quoi, ou en transfusion, parce que j'ai eu un très grave accident il y a quelques années, quoi, mmh. et j'ai été entièrement transfusé, quoi, plusieurs mmh. fois. Mmh. Et je ne sais pas, quoi. Peut-être sexuellement, peut-être maintenant tout va bien, quoi. Je suis en très grande forme, quoi. Enfin, en très grande forme, façon de parler, quoi. C'est, tout est relatif, naturellement, mmh. quoi. Mmh. Là, je n'ai plus rien, mais bon, bah. La raison profonde. Elle est inconnue, quoi, aussi bien pour moi que pour mes médecins traitants. Tes partenaires? Mes partenaires, que des femmes. Mmh. Que des femmes. J'ai même une relation homosexuelle, quoi, donc mmh. à ce niveau-là, pour moi, c'est le problème est... c'est simple, quoi. Enfin, c'est simple. C'est et simple, tu vis ça bien ou mal? Bah, je le vis, disons, depuis le temps maintenant que je suis suivi, quoi... C'est bon, je peux vous dire le nom du médicament, quoi. Je suis sous Imitiol. C'est un médicament qui vient des États-Unis, quoi. Non, ça vient de Rhône-Poulenc. Non, c'est pas Rhône-Poulenc, pas du tout, non. C'est fabriqué par le laboratoire à Lyon, Dr Merius. Mm. Ouais. Mais à l'origine, c'est des États-Unis, quoi. Non, faut pas se méprendre quand même, je connais quand même l'origine de mon médicament, quoi. Mm. Et bon, le médicament est bien, quoi, c'est un... Oui, mais il te soigne, mais pour autant tu restes contagieux, c'est ça que tu veux dire? Absolument, oui. Il me soigne, c'est-à-dire il me maintient. Disons que, à la limite, il peut me donner une stabilité lymphocytaire, simplement, quoi, le rapport TKTB, ce qu'on appelle, quoi. Enfin, je ne veux pas rentrer non plus dans les détails parce que tout le monde ne comprend pas, quoi. Mais, disons que j'ai des hausses et des baisses, quoi. C'est-à-dire où je travaille comme un malade quand j'ai l'occasion de travailler, quand je me sens vraiment en pleine forme. Ce qui arrive aussi, quoi. Ouais. Bon, actuellement, j'ai pas de problème depuis quelques mois, quoi. Mmh. Mais autrement, je peux me retrouver hospitalisé pendant 2-3 mois. Et donc, t'avais envie de parler aujourd'hui. Et t'as pas envie que des personnes te téléphonent et puis discutent avec toi? Ben si, justement, le problème est différent pour moi, quoi. Je l'avais expliqué au standard. Moi, ce que j'aurais aimé éventuellement, c'est connaître des femmes aussi qui sont dans le même cas que moi, quoi. Mmh. Pour avoir des rapports beaucoup plus faciles, quoi. Ben, s'il y en a qui ont pigé le message... Ben, je pense qu'il y en a qui suivent, ouais, tout le temps, quoi. Donc, ben, t'appelles, et puis tu te débrouilles avec, hein. Ah oui, ben, comme ça, on t'aura amené un sublime contact, parce que c'est pas toujours facile d'expliquer ça à l'extérieur. Non, de toute façon, on ne peut pas en parler déjà au départ, quoi. Enfin, c'est très délicat, quoi. Mais je trouve, en tout cas, moi, je trouve que c'est admirable de ta part d'avoir une attitude si responsable. Il y a des gens qui n'ont pas... Non, mais de toute façon, je pense que ou on prend ses responsabilités ou on ne les prend pas, quoi. Mais simplement, je voulais te dire que c'est vraiment très, très bien de ta part. Mmh. Voilà. Ah bon? Je trouve ça très, très bien. Bah, je pensais que tout le monde réagissait comme moi, quoi. Non, là, bon, Christophe, oui, on va laisser ton message. D'accord. Donc s'il y a des filles qui veulent appeler et puis discuter et puis après vous voyez ensemble, qu'elles fassent le 43 57 69 70 43 57 69 70 pour Christophe, 43 57 69 70 pour Christophe. Un petit peu de musique et on se retrouve dans 3-4 minutes. Qu'est-ce qu'on écoute, un très bon jour. Et salut, c'est Pascal. Oh, salut, okay. C'est David. Ah, c'est un peu fort là, dans le casque. Il n'y a pas quelqu'un qui a augmenté le son là, un tout petit peu. Il faut baisser un tout petit peu le son. Merci mes amours. Vous êtes formidables. Vous faites un joli métier. Mais qu'est-ce qu'il y a d'ailleurs comme mandat? Non, on n'entend plus rien aussi, nous. Bah, mettez votre casque. Si, c'est bien. Voilà. Alors 43, 57, 69, 70, 43, 57. Il ne faut pas trop baisser, mais vous entendez là, vous avez du retour? C'est bon, c'est formidable. 43, 57, 69, 70, 43, 57, 69, 70. Alors déjà, il faut que je vous explique comment vous faire sucer en voiture. Et d'autre part, voilà, il y en a beaucoup qui nous écrivent de prison. Alors, ceux qui nous entendent, il y a Fleury, il y a Fresnes et il y a la santé. Alors, ceux qui sont dans les prisons et qui nous écoutent actuellement, vous allez prendre une cuillère. Tous, voilà, allez chercher la cuillère. Et puis tous ceux qui écoutent Lune de Fiel, vous tapez contre le mur pour bien montrer à votre voisin de cellule à côté qu'il faut qu'il écoute 94.4. Il va y avoir dans les, voilà, prisons. Alors à Fresnes, à la santé et à Fleury, voilà, il faut pétard sur les remues. Voilà, pour bien faire prendre compte au pinco qui est à Teco que tu te écoutes la Diora. Voilà, c'est pris con, ok. Bon, bah alors ça va, c'est bon, on peut passer pas à un prochain auditeur. Allô. Allô, allô. Oui, bonjour. Bonjour. Alors, quel est ton prénom? C'est Jean-Luc. Jean-Luc, salut Jean-Luc. Salut. Tu as quel âge, Jean-Luc? 26 ans. 26 ans. Alors, tu aimes les garçons ou les filles? Les femmes, les filles. Les filles. Et alors, qu'est-ce que tu aimes faire? Bah, disons, j'aime bien regarder les femmes uriner. Ah, uriner. Faire pipi. Disons, sinon, je suis assez voyeur, j'aime bien les femmes exhibitionnistes. Les femmes exhibitionnistes. Disons, dans leur manière de s'habiller et provoquer les gens. T'aimes bien les mini-jupes? Non, disons, pas dans ce style-là, aussi, par exemple, robe blanche, transparente, robe à boutons. Ouverte jusqu'en haut des cuisses, ou presque. Oui. Voilà, décolleté pigeonnant. Et tu mets ton petit bec sous la douche dorée? Non, mais disons aussi la manière de provoquer dans la rue, disons. Ouais, plus con. Tu mets ton petit bec sous la douche dorée quand ça coule? Tu aimerais avaler l'urine? J'aimerais bien lécher. Lécher. Après, oui. après que l'urine soit passée, juste les dernières gouttes. Oui, disons, j'aimerais bien ça. Ouais. Voilà. Et est-ce que tu vas dans les WC publics pour, je sais pas, dans les grands magasins, tout ça, et tu te mets à côté pour écouter une femme pisser? Ça m'est déjà arrivé. Et tu te branles? Oui, ça m'est arrivé. Ouais. Alors, comment ça t'est venu, ce fantasme? Tu as vu quelqu'un de ta famille pisser? Ça t'a excité ou... Non, pas comme ça. Disons, je me baladais dans la nature et une fois, je suis tombé sur une femme qui a troussé sa jupe et qui a pissé. Ah, ah oui. Et ouais. C'était quelle nature? Le bois de Boulogne? Non, non, pas du tout. Dans une forêt de la région parisienne. C'était où? Disons, c'était en été, où il y avait les gens qui piniquent, tout ça. Ah, c'était pas une prostituée? Non, pas du tout. Ah, d'accord. Donc c'était une femme... C'est très difficile de pisser dans la nature parce que souvent, il y a des herbes hautes. Il y a toujours le problème de la culotte. Non, mais il y a des herbes, tu sais, et ça te chatouille un petit peu par derrière. C'est très désagréable. Et il y a toujours le problème de la culotte parce que ça, tu n'es pas retenu. Il y en a qui en mettent pas. Hein. Oui, mais... Voilà, donc tu peux pisser carrément debout. Mais ça m'est arrivé, disons, je me baladais, je peux pas dire où... disons, à un centre commercial de la région parisienne, j'ai vu une femme habillée du jupe de cuir qui s'est carrément troussée entre deux voitures et qui a pissé. Oui. Oh, mais ça arrive. Ça, tu l'as fait, Pascal, devant moi. Ça, sûrement pas. Ah, tu l'as fait. Je me rappelle plus c'était privé. Quand. Un jour, tu as fait, tu n'en pouvais plus de pisser, on devait être loin de la maison. Ça ne m'étonnerait. Les médecins se sont extasiés sur ma vessie qui a une contenance incroyable. 15 litres. Colossal. Et voilà. Pisse une fois par semaine. Une gourde. Plus de deux fois. Une gourde. L'année une bouillotte. L'année prochaine, je fais la foire du trot. Alors, oui, tu aimerais, Jean-Luc. Une outre. Est-ce que tu peux expliquer le jeu? Une outre? Oui. Allô? Une Jean-Luc, outre à pisse, oui. Est-ce que tu aimerais nous expliquer ton joli petit physique? Bah disons, je suis blond. Oui. Je mesure quoi, 1m80, un peu plus. Ouais. Et sinon, je suis... Tu es blond, un beau garçon? Je suis assez beau, mais assez timide. Assez timide. Il était blond. Et tu as du succès avec les femmes, non? Bah disons, j'ai pas tellement de draguer, disons, ça me manque, je suis en manque. Ah, le manque sexuel. Tu es dans une misère sexuelle? On peut dire, pour ma beauté, je suis en manque de ma misère sexuelle, de ma beauté. Ah, tu es trop beau. Ouais, trop beau, ça te sort pas. Ouais. Et tout, Les gens n'osent pas venir te voir parce que tu es beaucoup trop beau, certainement. Bah ouais, il y a peut-être ça. Ouais. Disons, je suis un peu dégoûté de la société. Donc, nous avons le même problème ici, tous. Non, Jean-Luc, ça fait combien de temps que tu n'as pas eu de rapport sexuel avec une partenaire? Ah, c'est très rare dans ma vie. Je sais pas, 26 ans, j'ai très peu de rapports sexuels. Jamais? Si, disons, j'en ai eu un ou deux, mais disons, j'ai eu un échec avec une femme, une nana que j'ai sortie pendant quelques années. Tu l'as... Parce qu'elle voulait pas de rapport, elle était pas majeure, donc fait, bah, je fais le con. Et tu l'invitais? Et après, j'ai rencontré quelqu'un, ça a duré qu'une journée, donc... Une journée? Ouais, disons, j'ai eu un rapport une nuit. Il y a 5 ans, il y a 5 ans. Ah, voilà. Il y a combien de temps? Et sinon, disons, il y a les prostituées, tout ça, mais ça m'intéresse pas, parce que ça... Tu restes toujours sur ta faim. Bah ouais, c'est ça. Tu restes sur ta faim, donc c'est bien d'avoir les prostituées. Bah, t'as joui, hein, je suis désolé. Hein. Mais la personne qui demande beaucoup, eh ben, il reste sur sa faim. Si on demande beaucoup, faut pas aller voir les prostituées. Il faut prendre ce qu'elles ont à t'offrir. Hein. Il faut que d'ailleurs elles prennent ce que tu as à leur offrir. Mais il faut, enfin, je comprends pas, tu rencontres pas des filles? Tu as pas des moyens de draguer, de les aborder? Bah, c'est-à-dire, je suis très seul, je sors très peu. Il faudra que tu mettes le badge. Comment? Il faudra que tu mettes le badge. Tu achètes des badges déjà, et c'est un bon moyen de communication. Déjà, le badge, ça sera un très bon moyen de communication. Et ensuite, tu te fous des coups de pied au cul, tu te bottes un peu les fesses pour sortir, pour avoir l'air aimable et souriant, et pour aborder des jeunes filles. Mais parce non, mais qu'il n'y a pas 36 000 moyens de trouver. Mais attends, tu m'as signé quand tu abordes des jeunes filles, tout de suite. Tu sais, par exemple, je veux payer un verre à une jeune fille, tout de suite, elles sont méchantes, elles t'envoient promener. Non, ça n'est pas comment tu le fais. Faut pas commencer comme ça, tu veux que je te paye un verre et tu veux un gorgon et la meuf, bon, évidemment, non, là, si t'arrives, si t'arrives comme un gros. Tu veux pas un verre, tu veux pas le tabac, on va aller danser pour aller boire un verre. Si tu veux pas, je vais aller baiser. Non, là, non, là, t'es obligé de te faire jeter, là. Ça j'ai jamais fait, mais quand même. Ouais, mais bon. Non, mais le problème c'est que je sors très peu quand même. Tu restes chez toi à la maison. Mais en plus j'ai pas d'amis donc. Et tu te branles beaucoup. Bah ouais, mais même afin de me branler, je prends aucun plaisir. Bah ouais. Bah, oui. Parce que plus tu fais et plus ça arrive de rester bloqué même. T'arrives à le contrôler au bout d'un moment. T'arrives à te connaître hein, ton physique, donc t'arrives à contrôler ton physique et des fois t'arrives tellement à te contrôler que. On va essayer de te trouver des camarades quand même, Jean-Luc. Il faut se faire violence un peu dans la vie, tout vient pas comme ça, les gens tombent pas dessus, t'attrapes en disant toi, non, ça marche pas comme ça. Ah oui, ça les meufs, si tu restes chez toi, c'est sûr qu'ils vont pas venir cogner à ta porte. Hein. C'est comme les mecs qui se plaignent de pas gagner au loto, ils jouent pas, c'est normal, c'est pareil. Ça, il faut aller les voir, c'est pas grave si tu te ramasses une veste de temps en temps, tu sais, je vais te dire, moi je m'en suis ramassé, je vais te dire, j'ai de quoi me couvrir pendant jusqu'à la fin de mes jours. Ouais, d'accord. Mais bon. Chiffonnier d'Emmaüs. Non, mais il faut essayer qu'il n'essaie rien à rien. Bah ouais, mais. Et chatte mouillée blé toute l'année. Ouais. Et Pierre qui roule, tous les chats sont gris. Ok. Bah oui, c'est ça. Bah. Problème. Est-ce que tu peux, par exemple, Jean-Luc, nous faire un petit cri de jouissance. Par exemple. Alors, un cri de jouissance. Ouais, non, imagine qu'une femme te suce, là. Imagine. Je me suis suçant. Ouais, mais. Je me suis fait sucer tout le temps, souvent par des femmes, je veux dire, sincèrement, j'ai jamais trouvé une nana qui est capable de me faire jouir dans la bouche. Ah, capable de muser, disons. Ah, de t'user la bouche. De me faire sucer pendant une heure sans cracher. Ah bon? Ah ouais, carrément. Parce que tu as trop l'habitude de te branler. J'ai l'endurance, disons, je sais me contrôler mentalement. Ouais, mais j'ai contrôler mon physique pour dire, pas que la fille, elle est à chatte solide, hein, parce que si tu la limes pendant trois plombs, elle risque d'avoir. C'est plutôt steak éclaté, c'est un tartare, hein. Il y en a qui sont peut-être heureuses aussi. Hein. Non, je vous ai dit jamais ça. Ah bon, jamais là, devant mes oreilles qui ne supportent pas l'idée du steak. Il dit qu'il est très endurant. Bah, eh bien, ma foi, oui. Il faut que tes copines le soient autant que toi, c'est surtout ça. Ben bah, ouais, mais enfin, en général. Non, parce qu'un peu ça va bien, mais alors pendant trois. C'est vrai que pendant un certain temps, après, au bout d'un moment, ça va quoi. Tu comptes les mouches au plafond. Oui. Non, mais disons, je prends mon plaisir, mais intérieurement. Oui. C'est-à-dire, je jouis, mais intérieurement, sans jouir, disons. Oui, comme un autre garçon qui va lâcher son sperme. Ton gros problème, c'est quand même que tu fantasmes un maximum et que tu n'as pas beaucoup d'occasions. Pas beaucoup, oui. Voilà, alors, si tu concrétisais un peu plus, je pense que les choses seraient beaucoup plus simples. Donc, botte-toi les fesses, mets ton plus bel habit, ton habit du dimanche, sors dans la rue, souris, mets tes badges et la vie va changer. Parce que, pour l'instant, pour l'instant, il faut dire que tu es un peu en dive, là. Il faut te remuer. Ouais, peut-être pas ça, mais même que j'essaie de me remuer, pourtant je m'habille bien. Mais non, mais c'est pas une question de t'habiller bien si tu restes chez toi devant ta glace. Non, mais j'ai jamais dit de rester devant chez moi, mais à un moment, il y a une période, je sortais. Il faut voir aussi comment tu t'habilles bien. Il y a une période, je sortais, et ben j'étais dégoûté, donc j'ai arrêté de sortir. Donc, et aussi, si au bout d'un moment tu ne trouves plus rien, qu'est-ce que tu fais? Tu sombres dans la solitude. Hein. Eh bien, arrêtons de sombrer. Oh, ne sombre pas. Déjà, nous allons essayer de trouver des camarades pour toi, des camarades aussi seuls que toi, qui depuis longtemps n'ont pas eu de rapport sexuel et qui vont t'appeler. Là, il y a deux copines qui nous donnent son adresse. Hein. Voilà. Elles vont t'appeler et vous discuterez ensemble de choses et d'autres. Et puis, tu l'inviteras à boire un verre, et peut-être que ça arrivera à se concrétiser, et nous aurons fait un joli couple. Écoute, toutes les mères ont un fond, le tout, c'est quand tu touches et chaque le fond, peau à son couvert. Coup de pied. Et chaque peau à son couvert. Tu vas remonter à la surface, et tout d'un coup, la vie va changer. Jean-Luc, on va t'embrasser bien fort, de cet appel fort sympathique. Tu peux nous rappeler quand tu veux, si ça se concrétise. Ouais. Et si tu as une bonne jouissance, tu nous rappelleras pour nous la raconter. D'accord, merci. D'accord, et pense au badge, Jean-Luc, ça te fera du bien. Ouais. Hein? Et bonne soirée à vous tous. D'accord, salut. Et raconte toujours autant de conneries. D'accord. D'accord, ouais. 43 57 69 70. 43 57 69 70. C'est vrai, mais qu'est-ce qu'on peut sortir débité comme conneries. Surtout toi. Surtout toi, parce que Pascal et moi, on est deux jeunes filles. Ça, mon chéri. Virginale. Faites un joli métier. Non, mais alors qu'est-ce que vous pouvez sortir comme connerie des fois? Bah, c'est toi. Mais où c'est que vous allez chercher ça? Vous apprenez ça par cœur? Non, vous lisez ça dans les livres? c'est épouvantable. Moi, je prends des cours, hein. Ah, des cours. Tous les jours. Chez le docteur. Tous les jours. Ça me coûte très très cher. Voilà, c'est chérie une fortune. Bah quand oui, mais alors. Pain, voilà. Aussi, hein, depuis. Alors, 43, 57, 69, 70, nous avons un auditeur en ligne. Quel bonheur. Allô. Allô. Oui. Salut. Salut. Ça va pas alors, ah oui, tu veux dire, ça fait un quart d'heure que j'attends et maintenant vous me parlez. Oh, excuse-nous. Oh, bah... Quel est ton prénom? Ah, moi c'est Karim. Je Karim. T'appelle, hein, parce ah, que... Karim. C'est Zaza, la spécialiste. Salut Zaza, mon amour. Ah, ah, ah mais... Karim. Karim. Allez Zaza, allez. Alors moi j'appelle, hein. Ouais. Parce que j'ai un gros problème, non. J'ai entendu tout à l'heure une nana qui dit oui. Que les beurs, elles sucent pas les chattes. Ah. Ils sucent pas les chattes. Et alors or, d'abord, je tiens à signaler que beurre et arabe sont deux choses différentes. Bon, alors fais-nous la... Voilà, le beurre, c'est le gars qui ses parents arabes et qui est né en France, qui ne connaît rien l'arabe, qui ne parle pas l'arabe et qui il a rien que la gueule d'arabe et le nom d'arabe. Et s'il pratique? Il pratique que dalle, bi pratique, walou. Voilà, walou. Moi, je suis un arabe, à 100%. Ah, voilà. Et donc... moi, je suis le plus grand... suceur arabe de chatte en France. Oh ah, je savais qu'on allait la voir. Il y a des candidats. Bah, bon, alors. Tu m'entends? Il y a des clientes. Je veux savoir comment il fait. Karim. Alors, attends, d'abord, je dis pas le chatte, moi je dis un top bone, c'est en arabe. Un top bone. Top ball. Un top bone. Moi. Qu'est-ce qu'on se poil? Ça va alors, oui, tu veux dire? Alors? Oui. Alors attends, je vais. Oui, une petite question. Tu sais qu'il y a des filles qui nous expliquent ouais. Et qui expliquent aussi pour les autres filles de quelle façon sucer une bite. Ça va. Mais il nous faut aussi la version masculine du bouffeur de chatte. C'est-à-dire pour les mecs, il y a des petits mecs de 16, 17, 18, 19 ans, 20 ans qui n'ont jamais bouffé une chatte parce qu'ils ne savent pas, comment les bouffer. C'est pas rentable, oui, tu veux dire. Voilà. Alors, explique-nous de quelle façon on bouffe une chatte et de quelle façon tu t'y prends. Moi, je te poserai quelques petites questions pour savoir technique, si c'est vraiment pour voir si c'est du bipo ou pas. Ah, pas de problème. Moi, je vais vous expliquer. Il n'y a pas de problème. Vas-y, explique. Alors, ça dépend. D'abord, ça dépend de la femme, quoi. Ouais. Ah. Alors, moi, ce que j'aime bien, c'est qu'elle a un bon petit clitoris. Oui. Tu vois, qui dépasse bien et tout. Et je... Lui, il fait 12 cm. Ah, oh, quand même pas. Oh, c'est pas rentable, ah oui, tu veux dire. C'est pas évident aussi, hein. Au repos. Ah, le bouchon. Bon, je continue. Oui. Tu vois, le petit clitoris, avec ma langue, le bout de ma langue, je titille le clitoris. Mmh. Et je sens que la femme, oh, elle bouge. Comme la dernière fois avec Khadija. Oh, je l'ai fait bouger du clitoris, tu vois. Et puis avec ma langue, je remonte quand même, et des fois, je donne des petits coups de langue, et je la rentre dans le vagin, mais tout doucement quand même. Yarbi, yarbi, Alors, ça va ou pas? Bon. Ouais. Elle va te poser des questions pour savoir si tu es un fin bouffeur de chatte. Ça va. Bon. Enfin, le débat s'élève. Enfin, bon appel. La technique. Ouais. Bon, est-ce que tu peux me jurer que tu as trouvé à tous les coups le clitoris? Et combien de temps il te faut pour trouver le clitoris? Entre le moment où tu as une femme à poil devant toi et donc le moment où tu le trouves, il s'écoule combien de temps? Ah non, il faut du temps. Il faut d'abord le tâter le terrain, si tu veux. Parce que c'est pas souvent. Hein, pas souvent où le clitoris il apparaît tout d'un coup, si tu veux. Il faut le faire sortir, si tu veux. Si tu vois ce que je veux dire, enfin, il faut qu'il apparaisse lentement. Oui, oui. Ouais. Ouais, bon. Oui. Un point, t'auras une image. Un point. Merci à Dreli. Seconde chose, la zone excitante chez la femme, c'est le clitoris et le vagin. Ça dépend, c'est les clitoridiennes ou vaginales. Ah, il connaît la distinction. Ah, bon technicien. Mais je voulais dire quand même que toute la zone qui commence à l'intérieur des lèvres à un bout et qui se finit à l'anus à l'autre bout, toute cette zone-là est très sensible. Donc, ne vous concentrez pas uniquement sur le clitoris, vagin, anus, et puis voilà. Exact. Il y a toute la zone qui est très sensible. Et ça, les mecs, ils s'attardent que sur le clitoris, ils font pas attention. Et est-ce que tu bouffes le tarma? Le tarma. Tellement. Ouais. Le carac, bien sûr. Bah, un cul, wow, oui. Mais c'est bon un cul, dis-moi. Dieu nous a fait un cul, on va pas le lécher. C'est pas possible, là, oui. Bravo. Oh, c'est pas rentable, là, oui. Alors, à part ça? Bon, alors, ensuite... Ensuite, est-ce que tu sais bien modifier les positions de ta langue? La faire dure, la large et molle? C'est quoi ton prénom, ma chérie? Pascal. Ah, Pascal, j'adore. Alors, je vais t'expliquer. Explique. La langue, tu vois, je la fais en forme de gouttière. C'est-à-dire, avant de sodomiser une nana, lorsque je lèche le contour, le joli contour de l'anus, oui. Je me permets de fermer mes lèvres et de faire sortir ma langue de telle façon qu'elle soit un petit peu, tu vois, je sais pas comment t'expliquer, un peu fermée. C'est divin. Et à partir de là, je fais glisser de la salive à l'intérieur de l'anus pour faciliter l'intrusion de mon pénis dans son irrigué, dans ses plus profondes entrailles. Oui. Et sans rire, très doué. Très très doué, parce que en plus, non seulement apparemment il sait faire, en plus il a la tchatche pour aller avec. Pascal. Deux atouts au lieu d'un, bravo, je ne dirais qu'un mot, bravo. Bah, il a une bonne langue, hein. Pascal, je te remercie. Tu vois, nous au Maroc, on baise. Hein? Au Maroc, parce que moi je suis du Maroc. Ouais. Au Maroc, on baise. Gratuit, rien que... La nana, il faut rien que lui payer à boire, la saouler, la faire bouffer, après tu la baises. Mais est-ce que tous les mecs, les Arabes comme toi, ils aiment bouffer les chattes? Est-ce que tous... Non, franchement, voilà. Franchement, non, parce que... Ouais. Les cons un peu, des fois chez les Arabes, c'est qu'ils sont trop machistes, tu vois. Uh-huh. Alors pour eux, sucer un top bone, c'est pas évident, ah oui, tu veux dire. Ah, eux, rien qu'ils baisent, comme des animaux. Oui, bah alors là, je vais te dire... Mais moi, quand même, je suis le champion. Il y en a plein. Toi, tu suces pour les autres. Ah ouais, moi je suce, parce que j'estime que la nana, elle me donne quelque chose, alors moi, il faut que je lui rende. C'est vrai. Tu vois. Bravo. Applaudissez. Karim, bon, je t'aime. Ouais. Hey, Pascal, moi je t'adore. Tu sais, je sais pas comment tu es physiquement. Je voulais venir ce soir. Ils m'ont dit ah non, c'est pas possible. Ah oui, tu veux dire. Alors j'ai dit bon, sans pis. Hein. Ah ça, Karim, un de ces jours. Et en plus, tu vois, je suis mignon comme tout. Ah. Mais tu ne gâches rien, ça. Franchement, moi, je suis pas Steve McQueen, quoi. Mais je suis. Il est bien fatigué, Steve McQueen. Berger. Ah, Steve McQueen, de la plante, moi, qu'elle est fatiguée, oui, tu veux dire. Moi, je ne reconnaissais pas. Hein. Est-ce que tu peux... Ouais. Est-ce que tu peux parler beurre un petit peu? Voilà. Ça va alors, hein? Ça va sublime. Ça va. Alors Karim, c'est super, un appel excellent. Hey, Zaza. Le sens du monde, oui. Bonjour. C'est Zaza et quoi l'autre prénom? Zaza, David et Pascal. Ouais. Le trio parisien. Voilà. Infernal, alors, aussi. Hey, vous avez eu l'honneur ce soir d'avoir le plus grand suceur arabe de bite de Le fils de Oh, pardon. Karim, il est bédard. J'ai fait une erreur. Un rapace peut-être. Non, franchement, c'est la chatte. Ah, là, franchement, je suis désolé, j'en tremble. Tu t'es trompé d'animal. Vous m'excusez. Faut pas confondre les cochons et les truies. Non, franchement, vous m'excusez ou pas? Ah oui, parce que non, il y a enjambé une pute et amputé une jambe, hein, c'est pas pareil. Parce que parler à Pascal, pine de Macron. Ah, laisse-moi parler. C'est pas pareil. Parce que parler à Pascal, ça donne l'émotion, tu vois, j'en tremble et tout, c'est pour ça que bon, j'ai fait un lapsus, mais qui n'est surtout pas révélateur. Ok. Et voilà. Écoute, je suis bien contente. Pascal. Oui. Tu vois, franchement, j'aimerais bien t'avoir en face de moi à quatre pattes, et je te jure, je boufferai ton petit cul, waouh. C'est toi qui... Ah. Rien que d'y penser, tu vois, je bande. Hé, Zaza. Oui. Je sais pas, Zaza et David, si vous avez des bites circoncises. Moi? Ouais, vous deux. À ton avis? À mon avis, non, je crois pas. À moins que tu te les fais faire plus tard, quoi. Je pisse pas sur les jambes de mon voisin quand je vais pisser. Non. Ah, ça va alors, ça va. Parce que moi j'ai une bonne bite circoncise, tu vois. Ah, bah ça, avec ton prénom, si t'en avais pas une circoncise, ce serait pas normal. Je vous fais un petit cri, les mecs. Le cri, vraiment, que tu fais quand il y a une femme qui te fait bien le travail. Eh, à l'arabe ou à la française? À l'arabe. Alors écoute, l'homme moquin. Voilà. يا ربي يو اح يا لما كانت الحويقة لا اي اح شبادي اح اح تنحويقة خديجة تنضرب لك في 90 اح اح لما اح Ça s'est agalgé par le génial. Le duc de Joinville. C'est divin. Et franchement, les Arabes, on est des cool, non? Ah oui, hein? Ça, y a pas de l'impro. J'aimerais hein. bien baiser Pierrette Le Pen, vous la connaissez pas? Eh ben si, on la connaît. Ah ben vous me l'envoyez, hein. Ah bah oui, mais bon, c'est passé à vouloir nerveux, hein. Ouais, et avant qu'on se quitte, est-ce que je peux donner un message quand est-ce qu'il y a des nanas qui peuvent m'appeler ce soir, tout ça, pour qu'on parle? Pour qu'on parle et tout. Oui. Oui. Bah y a pas de problème, oui. Alors on va passer ton message, Karim. Ouais, alors une nana qui veut se faire lécher le cul, même qu'elle ait 40 ans, je m'en fous, hein. Ah ouais. Oui. Ah ouais, moi je prends tout. Mais y a pas. Alors, des chattes noires. Blanc, oui, noir, un beau tablier de forgeron. Rasé, tout. Ah la gnagna. Elles n'ont pas le racisme de l'âge. Hé, hey, Zaza, oui. Dis-moi, gnagna. Répète. Ah la gnagna. Oh, ça va être très dur. Alors, si, répète. arabienne. Ça veut dire quoi? C'est une expression, ça veut dire bon, c'est la vie, c'est cool, tu vois, la vie, c'est cool. La vie de l'enfant, c'est onde, hein. C'est onde. C'est Becher, du cachouet. C'est misto. Voilà. Voilà. C'est misto, mon copain. On s'est bien poilé, hein. Bon, allez. Salut Karim, on t'embrasse bien fort, je suis sûr que tu vas te trouver plein de camarades qui vont t'appeler. Alors mesdemoiselles, mesdames aussi, hein, si vous désirez appeler Karim, eh bien il vous suffit de composer le 43 57 69 70 et 43 57 69 70. On me dit là au standard qu'il faut répéter l'adresse pour les badges. Ah oui. Ah ouais. Alors pour les personnes qui veulent commander des badges, on vous a fait l'article tout à l'heure. Pour les badges Lune de Fiel tant attendus, vous pouvez les commander dès maintenant par courrier. Nous vous les renverrons aussi par courrier dans les 8-9 jours. Là. Alors vous envoyez un chèque à l'ordre de GDG, pas GE, DE, GE. Hein. C'est la lettre G, après la lettre D et la lettre G. Ou David Girard si vous n'arrivez pas à écrire GDG. Voilà, vous envoyez ça à Lune de Fiel. David Girard, 21 rue de la Chapelle, 21 rue de la Chapelle, 75 018 Paris. Ça c'est juste pour le courrier parce que comme ça il sera pas perdu parce qu'à la radio des fois on en perd un peu. Alors Lune de Fiel pour les badges, David Girard, 21 rue de la Chapelle, Paris 18e. Voilà, ça c'est pour les badges, alors dépêchez-vous, je vous dis on va les vendre 4-5 semaines, pas plus. Si vous en achetez 3 pour le prix de 50 francs, 3 pour le prix de 50 francs, c'est 3 badges différents. Et il faudra absolument en donner un à une fille, à une copine autour de vous qui puisse le mettre. Parce qu'il y en a aussi qui ne nous écoutent pas toutes les semaines ou qui ne nous écoutent pas, mais qui n'ont pas la possibilité de nous écouter malgré qu'ils veulent nous écouter. Donc ils n'ont peut-être pas eu le temps d'acheter le badge ou qui n'auront pas le temps d'acheter le badge. Donc vous leur en remettez un en cadeau. Et ça, toujours sur les 3, il faut en offrir un. Hein. C'est à votre générosité sera récompensée. Voilà. 50 francs les 3 badges et vous allez voir, c'est du bonheur. Voilà, nous avons un auditeur en ligne. C'est Div. Allô ? Oui. Oui, bonjour. Oui, bonjour. Bonjour, mon grand, c'est Michel Serrault à l'appareil. Oh. Oh. Oui. Attends, ne bouge pas parce que je vais un peu remonter mon truc parce que j'entends rien du tout. Voilà, ça va, ça ouais, fait. Ok. Y a pas de larcène monté ? Non, ça va. Bon, bah c'est parfait alors. Dis-moi, je vous ai téléphoné parce que j'ai toujours caché ça dans ma vie. Mais j'ai un grand don de télépathie et j'ai la possibilité d'avoir Claude François en direct sur votre antenne de Future Génération ce soir. Tu peux nous le refaire venir ? Oui, sans problème. Claude. Oh bah allons-y alors. C'est possible ? Oui, oui, oui. Oh, vous n'avez pas le trac ? Si, beaucoup. Beaucoup. On l'attend. On va essayer, hein. Et puis, maintenant ? Et bien maintenant. Après Jodassin, après Mike Brand que vous avez pu voir les semaines passées, Patrick aujourd'hui Devers et sur cette scène, derrière ce rideau, Claude François. Très bien, bonsoir à tous et à toutes. J'espère que vous allez très bien ce soir. Est-ce que ça va bien ce soir? Ouais. Ah, je vois qu'il y a de l'ambiance. Eh bien, écoutez, je suis vraiment très ému d'être venu parmi vous ce soir. Et je vais essayer d'improviser une petite chanson. Oui. Ok. Ok. Bonsoir, David Desarvins et la petite Pascal. Je vous lichage bien fort. Je vous téléphone pour vous dire que sur d'autres antennes FM, il y a des enculés qui veulent faire pareil que vous, mais ils font pas le poids. Ça, je n'ai pas besoin de vous le dire, car vous êtes unique. Tout le monde vous aime, ou presque. Bravo! Eh bien, merci. Merci, j'étais vraiment... Oui, allô? Oui. Oui, alors, écoutez, est-ce que ça vous a plu? Au moins, c'est Michel Serrault. Alors, je vais te dire, Michel, oui. C'est sublime. C'est vrai? Tu viens de nous faire quelque chose, là, qui nous permettra de terminer l'émission avec brio. Oui. Vous avez aimé? Ah, oh, sublime. Oui. Bon, alors voilà. Alors, on peut en chanter une tous ensemble? Pardon? Oui. On peut en chanter une tous ensemble? Oui, allez-y. Oui. Alors, on va faire le lundi au soleil. Le lundi je au viens... soleil. Attends. Le lundi au soleil. Non, c'est plus facile. Attends. La pendule. C'est arrêté sur midi. À ce moment très précis où tu m'as dit je vais partir. Et puis tu es parti, j'ai cherché le repos. J'ai vécu comme un robot. Mais aucune autre n'est venue me bouffer la bite. Là où tu vas, tu entendras, j'en suis sûr, des gros culs pètent, des gros culs qui pètent sur ta la la la la. Oui, c'était parfait, c'est presque ça en fait. Voilà. Le lundi au soleil. C'est une chose qu'on n'aura jamais. Chaque fois c'est pareil. C'est quand on est derrière le carreau. Que ton travail, que le ciel est beau. Qu'il va faire beau sur les routes. Le lundi au soleil. Le lundi au soleil. C'est une chose qu'on n'aura jamais. Chaque fois c'est pareil. C'est quand on est derrière les carreaux. Quand on pélo que le ciel est beau. Qu'il doit faire beau sur les routes. Le lundi au soleil. Bravo, bravo. Ah bah, un excellent appel. C'est vrai. Merci. Enfin. Est-ce que je peux dévoiler mon identité? Bah bien sûr. Bah écoute, ouais. C'était pour ça. Je m'appelle Pierre-Yves Noël. Il y a beaucoup de gens qui doivent me connaître parce que je fais le coin un petit peu partout. Ah. Et puis j'ai pas mal d'amis, comme tu vois, comme Bébel. Et quel âge as-tu? J'ai 18 ans. Tu es étudiant? Ouais. Où ça? Non, je suis pas étudiant. Enfin, j'ai bossé, ça fait une semaine que je bosse. Je bosse dans la publicité dans une société qui s'appelle IDS. Waouh! Bravo! Et pourquoi tu écoutes Future Génération? Ah, parce que je vous aime tous, mes amis. Mais non, parce que c'est la plus conne. Ok. Donc je m'appelle Pierre-Yves Noël. J'étais vraiment très déçu d'avoir quitté mon école parce que...